Coucou, c'est Agathe. Allez, les prévisions pour l'astrologie chinoise. Et là, nous allons parler du tigre en cette année 2024 du dragon de bois. L'année du dragon de bois promet d'être une année excitante pour les tigres, pleine d'événements intéressants. Le maître de l'année exigera des tigres de la confiance en soi, de la logique et de l'intuition. Seulement ainsi, les représentants du signe pourront réussir, notamment sur la première partie de l'année. Le manque de stabilité ne doit pas te faire peur, ami tigre, pour devenir le meilleur dans n'importe quelle direction choisie. Il faudra s'habituer à de la discipline, apprendre à te concentrer. L'année du dragon apporte du changement, ça implique aussi des risques. Les natures ambitieuses vont aimer, notamment l'année 2024. Vers le mois d'avril, mai-juin, le tigre pourra profiter de son assurance et de sa vigueur sur son lieu de travail. Il cherchera à atteindre des sommets du leadership dans l'organisation. Il aura pas mal d'obstacles, hein, c'est vrai, sur son chemin vers l'avancement professionnel. Il devra être audacieux, mais pas agressif. Ne pas retarder la prise de décision, hein, tranche. Garde aussi tes informations personnelles pour toi et applique la stratégie. Une stratégie bien planifiée t'aidera à réussir dans tes affaires. Et tes amours dans tout ça sur l'année 2024, sur toute l'année, pour le tigre, il est prédit beaucoup de choses positives. Les représentants du signe amoureux profiteront de nombreuses rencontres qui changent rapidement. Tu auras envie de changement. La plupart d'entre tes amours porteront aussi sur des déceptions. C'est pour ça que c'est toute l'année que ça va bouger sur ton sentimental. Il ne faut donc pas s'accrocher aux relations, ni s'attacher trop aux partenaires aléatoires. Sinon, il y a de fortes chances de succomber à la dépression. Pour tes amours, c'est en partie de dernier trimestre que l'honnêteté et la sincérité t'aideront à construire des relations avec l'être aimé. Si tu es déjà dans une relation stable, il y a une forte probabilité d'avancer et voire de se marier. C'est cette énergie du dragon de bois qui va t'offrir des cadeaux sous forme de bien-être financier aussi. Les représentants donc du signe du trigue, qui sont déjà mariés ou qui pensent à se marier, risquent soit de renforcer leur relation, soit de les détruire si on ne communique pas. Donc c'est à double tranchant, d'accord? Par contre, pour des tigres en couple où c'est déjà une crise, alors là c'est malheureux, mais sur la fin de l'année, il y a un divorce ou une séparation inévitable si le tigre ne montre pas d'intérêt pour son ou sa partenaire. Cesse de prêter attention en continu aux conflits qu'il y a entre vous, aux petits conflits. Sache aussi laisser tomber quand ça nécessite de laisser tomber. Et sur décembre, profites-en pour faire un petit cadeau, une conversation franche, de la nouveauté, propose des projets, de l'intérêt, au contraire, ça aidera à approfondir ta relation si tu ne veux pas que l'autre puisse prendre la tangente. Fais des efforts, ami tigre. C'était Agathe, je vous donne rendez-vous pour le prochain signe. N'oubliez pas que vous pouvez me consulter sur astrocenter.fr, sur Wengo pour une voyance, pour toute question qui vous dérange, et on verra ensemble ce que vous donnera votre avenir. À bientôt, tchuss!